Chapitre 38. Le père S., missionnaire à Angéline de Montbrun. Mademoiselle, votre généreuse offrande est arrivée bien à propos. Suivant votre désir, nous et nos néophytes, nous prierons pour monsieur votre père. Quant à moi, je ne saurais oublier qu'après Dieu, je lui dois l'honneur du sacerdoce. Mais depuis longtemps, c'est l'action de grâce qui domine dans le souvenir que je lui donne chaque jour à l'autel. La pensée de son bonheur ne saurait-elle vous adoucir votre tristesse? Pourquoi toujours regarder la tombe au lieu de regarder le ciel? Pourquoi le voir où il n'est pas? Poussière, tu n'es rien, cendre, tu n'es pas l'être, que nous avons chéri. Tu n'es qu'un vêtement dédaigné par son maître et qu'un lambeau flétri. Dites-moi, aimer quelqu'un, n'est-ce pas mettre sa félicité dans la sienne? Pourquoi le pleurez-vous? Pauvre enfant, je comprends votre faiblesse. Moi qui n'étais que son protégé, je ne pouvais m'empêcher de l'admirer et de le chérir. Vous savez qu'en apprenant le fatal accident, je fis vœu, s'il vivait, de me consacrer aux rudes missions du Nord. Et j'aime à vous le dire, ce même soir du 20 septembre, à genoux dans l'église de Valrian, je me plaignais à Dieu qui n'avait pas accepté mon sacrifice. Je me plaignais et je pleurais, en attendant que l'horreur me permît de commencer la messe, que je voulais offrir pour lui, mon bienfaiteur. Alors, que se passa-t-il dans mon âme? Quelle lumière céleste m'enveloppa soudain dans cette demi-obscurité du sanctuaire, où quelques jours auparavant j'avais reçu l'onction sacerdotale? Je ne saurais le dire, mais consolé, je fis à notre Seigneur le serment solennel d'user ma vie parmi les pauvres sauvages. Vous me demandez comment je supporte cette terrible vie. La nature souffle, mais à côté des sacrifices, il y a les joies de l'apostolat. En arrivant ici, je parlais couramment deux langues sauvages, et je fus envoyé chez les Chipeways. Là, je vous l'avoue, bien des lâches regrets me vinrent assaillir. Mais notre Seigneur eut pitié de son indigne prêtre. Il me conduisit auprès d'une jeune malade qui attendait le baptême pour mourir. Je dis « attendait », et c'est le mot, car depuis plusieurs semaines, sa vie semblait un miracle. Et il n'est pas possible de dire avec quelle facilité cette âme très simple entendit la parole du salut. Bienheureux, oui, bienheureux les cœurs purs. Si vous aviez vu l'expression de son visage mourant quand elle aperçut le crucifix, je la baptisai avec une de ces joies qui laissent le cœur meurtri. Ô froides allégresses de la chair, ô pauvre bonheur de la terre, que le prêtre est heureux de vous avoir sacrifié. Quelles larmes j'ai versées dans cette misérable cabane. Si vous l'aviez vue, comme elle était après sa mort, couchée sur quelques branches de sapin, son front virginal encore humide de l'eau du baptême et le crucifix entre ses mains jointes. Je m'assure que cette heureuse prédestinée vous sera une protectrice dans le ciel, car elle me l'a promis, et même je lui ai donné votre nom. Et maintenant, mademoiselle, voulez-vous permettre, non pas à l'homme, mais au prêtre, au pauvre missionnaire, de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre? Dans votre lettre, j'ai vu bien des choses qui n'y sont pas. Dites-moi pourquoi êtes-vous si triste, si malheureuse et surtout si troublée? N'est-ce pas parce que vous allez sans cesse pleurer sur ces traces ardentes que l'amour a laissé dans votre vie? Vous dites que la consolation ne fera jamais qu'effleurer votre cœur. Vous dites qu'il n'y a plus de paix en vous. Mon enfant, la consolation vous presse de toutes parts, puisque vous êtes chrétienne. Et notre Seigneur a apporté la paix à toutes les âmes de bonne volonté. Ah, si vous étiez généreuse, si vous aviez le courage de sacrifier toutes les amollissantes rêveries, tous les dangereux souvenirs, bientôt vous auriez la paix. Et malgré vos tristesses, vous verriez les consolations de la foi se lever dans votre âme, radieuse et sans nombre, comme les étoiles dans les nuits sereines. Soyez-en sûr, la délicatesse d'une passion n'en ôte pas le danger, au contraire. C'est une séduction de plus pour l'âme malheureuse qui s'y abandonne. Vous me direz qu'on est faible contre son cœur. Oui, c'est vrai. Mais suivant saint Augustin, la vertu c'est l'ordre dans l'amour. Songez-y. Et demandez à Dieu d'attirer votre cœur. Non, il ne vous a pas faite pour souffrir. S'il a détruit votre bonheur, c'est que le bonheur ne vous était pas bon. S'il a anéanti vos espérances, c'est que vous espériez trop peu. Dites-moi, malgré, ou plutôt à cause de sa profonde tendresse, votre père n'était-il pas aux besoins sévères pour vous? Laissons Dieu faire notre éducation pour l'éternité. Quand elle s'ouvrira pour nous dans son infinie profondeur, que nous semblerons les années passées sur la terre. Vous le savez, les heures douloureuses comme les heures d'ivresse, tout passe, et avec quelle merveilleuse rapidité. Il me semble que c'est hier que, bien embarrassé, j'attendais monsieur votre père sur la route de Valrian pour le prier de me mettre au collège, parce que je voulais être prêtre. L'avenir disparaîtra comme le passé. L'avenir, le véritable avenir, c'est le ciel. Ah, si nous avions de la foi !» Dans les beaux jours de l'Église, être chrétien, c'est savoir souffrir. Parmi les martyrs, combien de jeunes filles? Vous les représentez-vous pleurant le bonheur de la terre et les douceurs de la vie? Nous aussi, nous sommes chrétiens. Mais, comme disait notre Seigneur, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, croyez-vous qu'il y trouve encore de la foi? Ô douloureuse parole! Et pourquoi, si dégénérés que nous soyons, nous comprenons que le martyr est la grâce suprême, et nous n'oserions comparer aucune volupté de la terre à celle du chrétien, qui, pour Jésus-Christ, s'abandonne au tourment. Mon enfant, vous le savez, il y a aussi un martyr du cœur. Oui, Dieu en soit béni. Il y a des vies qui sont une mort continuelle. Sans doute vous êtes faible, épuisé, fatigué de souffrir. Mais savez-vous quel nom nos pauvres sauvages donnent à l'Eucharistie? Ils l'appellent ce qui rend le cœur fort. Mon Dieu, qu'est-ce qui soutient le missionnaire contre la puissance des regrets et des souvenirs? Dans son isolement terrible, au milieu de misères et d'incommodités sans nombre, qu'est-ce qui le défend contre les visions de la patrie et du foyer? Nous aussi, nous sommes faibles, et si nous demeurons fermes, c'est, comme dit saint Paul, à cause de celui qui nous a aimés. Soyez-en sûrs, la communion console de tout. Que dis-je? Mon ami écrivait un missionnaire, qui a reçu depuis la couronne du martyr, « Communier, c'est toujours un grand bonheur. » Mais communier dans un cachot, quand on porte le collier de fer avec la lourde chaîne, et qu'on a vu déchirer son corps debout, c'est un bonheur qui ne peut s'exprimer. Ne doutez pas, Jésus-Christ peut tout adoucir, c'est un enchanteur. Il est venu apporter le feu sur la terre. Puisse-t-il l'allumer dans votre cœur? L'amour est la grande joie, et je vous veux heureuse. Oui, Dieu vous exaucera. Tous les jours, nos néophytes prient pour vous avec la ferveur de la virginité de la foi, et votre Père vous a emporté dans son cœur au paradis. Réjouissez-vous et ne plaignez pas le pauvre missionnaire. À mesure qu'il s'éloigne des consolations humaines, Jésus-Christ se rapproche de lui. Je suis heureux, mais parfois j'éprouve un étrange besoin d'entendre la chère cloche de Valrian. Vous allez dire que j'ai le mal du pays. Je ne le crois pas. J'aurais plutôt la nostalgie du ciel. Mais il faut le mériter. Voudriez-vous accepter cette pauvre médaille de l'Immaculée? Souvent j'en attache aux arbres pour parfumer les solitudes. Priez pour moi, et que Dieu vous fasse la grâce d'accomplir parfaitement ce grand commandement de l'amour, dans lequel est toute justice, toute grandeur, toute consolation, toute paix et toute joie. 15 octobre. Depuis plusieurs jours, je n'ai pas ouvert mon journal, où je me suis promis de ne plus écrire son nom. L'amour de Dieu est une grâce, la plus grande de toutes les grâces, et il faut travailler à la mériter. Puis, est-ce l'élan donné par une main puissante? Il y a en moi une force étrange qui me pousse au renoncement, au sacrifice. En recevant la lettre du Père S, âme généreuse est celle-là, j'ai joint son humble médaille au médaillon que je porte nuit et jour, et qui contenait, avec le portrait de mon Père, le sien à lui. Ensuite j'ai ôté celui-ci, et par un effort dont je ne suis pas encore remise, je l'ai jeté au feu avec ses lettres. 16 octobre. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Seulement j'en frémis encore, et sans cesse je pleure, parce que son portrait et ses lettres sont en cendres. Je me demandais avec tristesse si ses larmes ne rendaient pas mon sacrifice indigne de Dieu, mais aujourd'hui j'ai été consolé, en lisant que lorsque nous revenons du combat des passions mutilées et sanglants, mais victorieux, nous pouvons pleurer sur ce qu'il nous en a coûté, que Dieu ne s'offensera pas de nos larmes. Pas plus que Rome ne s'offensa, quand le premier des Brutus, rentrant chez lui, après avoir sacrifié ses deux fils à la République, s'assit à son foyer, désert, et pleura. 18 octobre. Je pense souvent avec attendrissement à cette jeune fille, qui attendait son baptême pour mourir. Ô grâce, bonheur de la pureté! Il y a quelques années, traversant un soir l'église du Jésus, je passais devant un autel sous lequel un jeune saint, saint Louis de Gonzague, je crois, est représenté couché sur son lit funèbre. Je ne suis qu'une pauvre ignorante, mais je suis bien sûr que cette statue n'est pas une œuvre remarquable. Qu'est-ce donc qui fit tressaillir mon âme? Pourquoi restais-je là si longtemps ému, absorbé, comme devant une toute aimable réalité? Alors je n'en savais trop rien. Mais aujourd'hui, il me semble que ce charme profond, qui m'avait tout à coup pénétré, et que je ne savais pas définir, c'était la beauté céleste de la pureté sans tache. Longtemps après que je fus sorti de l'église, cette figure si virginale et si paisible était encore devant mes yeux, et malgré moi mes larmes coulaient un peu. Cependant l'impression reçue avait été douce, mais on ne touche jamais fortement le cœur sans faire jaillir les larmes. Depuis bien des jours ont passé, et n'est-il pas étrange que la pensée de cette jeune fille, qui a promis d'être ma protectrice, me rappelle toujours au vif ce souvenir presque oublié. Non, elle n'oubliera pas la promesse faite à l'ange qui lui a ouvert le ciel, qui lui a donné mon nom. 22 octobre. C'est un grand malheur d'avoir laissé ma volonté s'affaiblir, mais je travaille de toutes mes forces à le réparer. Comme le reste, et plus que le reste, la volonté se fortifie par l'exercice. On n'obtient rien sur soi-même que par de pénibles et continuels combats. M'abstenir de ces rêveries où mon âme s'amollit et s'égare se met à renoncement de tous les instants. Et pourtant, je le sais, si doux qu'il soit, les souvenirs de l'amour ne consolent pas, pas plus que les rayons de la lune ne réchauffent. Mais enfin, j'ai pris une résolution et j'y suis fidèle. La communion me fait du bien, m'apaise, jusqu'à un certain point. Parfois, un éclair de joie traverse mon âme, à la pensée que mon Père est au ciel. Mais ce rayon de lumière s'éteint bientôt dans les obscurités de la foi, et je retombe dans mes tristesses, tristesses calmes mais profondes. 5 novembre. Me voici de retour chez moi, après une absence de 15 jours. Je voulais revoir sa tombe, je voulais revoir Mina, et il est une personne que je n'avais jamais vue et dont la réputation m'attirait. Je n'ai fait que passer à Québec, et à mon extrême regret, je n'ai pu voir Mina, malade à garder le lit depuis quelque temps. Mais j'ai pleuré sur sa tombe, cette tombe où il n'est pas, et je ne saurais dire si c'était des larmes de joie ou de tristesse, tant je m'y suis senti consolé. Puis j'ai repris le train qui me conduisait au monastère de... C'est un grand bonheur d'approcher une sainte. Entre la vertu ordinaire et la sainteté, il y a un abîme. Devant elle, je l'ai sentie, et j'oubliais de m'étonner de cette confiance très humble, de cette tendresse sacrée qui lui ouvrait son âme. Où les anges prennent-ils cette adorable indulgence, cette ineffable compassion pour des faiblesses qu'ils ne sauraient comprendre? Ma propre mère n'eût pas été si tendre. Je le sentais, et appuyé sur la grille qui nous séparait, je fondis en larmes. Elle aussi pleurait avec une pitié céleste, mais sa figure restait sereine. Comme elle est profonde, la paix de ce cœur livré à l'amour. Cette paix divine, je la sentais m'envelopper, me pénétrer pendant que je lui parlais. Ô radieux visage des saints, ô lumineux regard qui plongeait si avant dans l'éternité, et dans cet autre abîme qui s'appelle notre cœur. Qui vous a vu ne vous oubliera jamais. Mais devant elle, je n'éprouvais ni gêne ni embarras. Au contraire, son regard si calme et si pur répandait dans mon cœur je ne sais quelle délicieuse sérénité. Oui, je suis heureuse d'avoir été là. J'en ai emporté une force, une lumière, un parfum. J'espère y avoir compris le but de la vie. Dans cette chère église, devant la croix sanglante qui domine le tabernacle, j'ai accepté ma vie telle qu'elle est. J'ai promis d'accomplir le grand commandement de l'amour. Ô cher asile de la prière et de la paix, c'est avec regret que j'ai quitté ma chambre, où d'autres âmes faibles sont venues chercher la force, où la fleur du Carmel a passé. Là, je n'entendais rien que le murmure de la Yamaska coulant tout auprès. Ce bruit mélancolique me fournissait 1000 pensées tristes et douces. Les vagues de la mer s'éloignent pour revenir bientôt, mais les eaux d'une rivière sont comme le temps qui passe et ne revient jamais. 6 novembre. Malheur à qui laisse son amour s'égarer et croupir dans ce monde qui passe. Car lorsque tout à l'heure il sera passé, que restera-t-il à cette âme misérable? Qu'un vide infini et dans une éternelle séparation de Dieu, une impuissance éternelle d'aimer. 7 novembre. J'ai passé l'après-midi à l'entrée du bois. Le soleil dorait les champs dépouillés. Les grillons chantaient dans l'herbe flétrie. Toutefois l'automne a bien fait son œuvre et l'on sent la tristesse partout. Mais quelle sérénité profonde s'y mêle, et pourquoi dans mon calme funèbre n'aurais-je pas aussi de la sérénité? Je me disais cela, et la tête cachée dans mes mains, je pensais à cet adieu qu'il faut finir par dire à tout, à ce grand et languissant adieu, comme parle saint François de Sales. Pourquoi faut-il mourir? Ce sont les heureux qu'il faut plaindre.